La rose. La rose, une fleur, une couleur et une odeur, odeur envoûtante et divine, une fleur féminine, la rose, un cadeau, un petit plaisir, plaisir pour les yeux, pour le nez, plaisir d'offrir, la rose, un message, message d'amour et d'amitié, une lettre qui a du sens, une lettre courte qui en dit beaucoup. La rose, une fleur, mais aussi un cadeau, un plaisir et un message pour l'avenir.